Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. C'est encore une fois une semaine chargée de bonne musique. On va passer du post-rock au post-punk. J'ai même deux pièces de musique à tendance gothique. Donc, on va se gâter ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. Bien, pour ça, c'est assez simple. Vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Donc, vous avez accès à toutes les pièces entendues à l'émission ainsi qu'à la balado-diffusion de l'émission. Donc, je vous invite à venir faire un tour. Sans perdre de temps, on va débuter tout de suite avec un groupe italien du nom de Masca. Je vous fais entendre leur pièce Horse Don't Fly. Ensuite de ça, c'est un autre groupe italien qui vient de la ville de Rome. Le groupe s'appelle Boris. Je vous fais passer la pièce Ilona. Donc, ces deux artistes-là se retrouvent sur le netlabel italien Selva Electrica. Donc, c'est ça, on débute tout de suite Web Musique avec Masca. Thank you. inutile cercare di creare atmosfera da seduzione latina, caro Latin Lover. Questo posto sa più di Sibelius che di Puccini. Vous venez d'entendre le groupe Boris avec la pièce Ilona, Boris qui vient de Rome. C'était précédé par Masca, un autre groupe italien avec leur pièce Horse Don't Fly. Donc, deux artistes qui se retrouvent sur le netlabel Selva Electrica, un netlabel italien. On poursuit web musique avec deux pièces à tendance gothique. On va débuter avec le groupe brésilien Plastic Noir. Je vous fais entendre la pièce Shadowrun. Ensuite de ça, c'est Disco Tequette. Je vous fais entendre la pièce Gimmig Lugit. Excusez-moi la prononciation, mais Disco Tequette, c'est un groupe suédois et mon suédois est pas terrible. Donc c'est ça, on va entendre cette pièce-là, mais tout d'abord, on écoute Plastic Noir avec Shadowrun. Thank you. When the glitters of the finer are repeated in our world, I'm seeing every smell like death. Everyone is not prepared for the wake up. Fingers of death burst, turn on the lights. From the dark cloud sounds too fast. Everyone knows the last cycle's over. Tears were like an inexorable sentence. Skies crossed by spider rats. Near can't think of two appropriators. And out of this there has been metropolis. The great Babylon was on for time. The great Babylon was on for time. This is the end of everything. There's no escape even in the shadows. Shadow wreck has just begun. No excuse, now we need to heal the heart. Inspirated everybody for the case like pride. In the last rites, righteous spark of pleasure. Emperor's bathing with their mouths on dry land. But from last of the blades of darkness, nor do you anything else but sorrow. And they don't understand even the sex act. Odin was still the important of dark yet. The world was lost and created under divine superb. This is the end of everything. There's no escape even in the shadows. Shadow wreck has just begun. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. On vient tout juste d'entendre le groupe suédois Discothéquette avec la pièce Gimmig Luchet. Puis c'était précédé par le groupe brésilien Plastique Noir avec leur pièce Shadowrun. Donc deux artistes qui se retrouvent sur le netlabel allemand EF Music, un netlabel extrêmement prolifique qui sont rendus, je pense, à peu près à 72 albums. Puis c'est ça, ils spécialisent surtout dans le dark wave, musique gothique, musique alternative. Donc un netlabel qui est vraiment intéressant. On va poursuivre avec un groupe qui est sur le netlabel Post Under Records, un netlabel que j'ai découvert aujourd'hui. Ils ont l'air d'avoir du matériel pas mal intéressant. Donc, on va débuter avec le groupe 3X13. Je vous fais entendre la pièce qui est vraiment longue. Donc, la pièce s'appelle « Because single word titles says so much more than lyrics ». Puis ensuite de ça, on va entendre un groupe qui est sur le netlabel Lost Children. On va entendre Lost of a Child. Donc la pièce s'appelle When One Foot is Further Than 100 Miles. Donc Lost of a Child qui viennent de Londres. Donc ben, c'est ça, je vous rappelle que vous pouvez toujours m'appeler pendant les pièces. Vous pouvez me rejoindre au 418-640-1586. Si vous avez des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, c'est ça, on écoute tout de suite 3X13.

du rouge et blanc vieillard. Chillon offre aux enfants sages les dernières parutions à prix d'aubaine. Et tous voudront en profiter pour remplir leur bas de Noël des nouveautés de Daniel Bélanger, Renaud, Claire Pelletier ou de Richard Desjardins à seulement 14,98. Ou encore celle de Nora Jones, Tom Waits ou Fred Pellerin à seulement 15,98. Le disquaire qui aime la musique, ouvert 7 jours et tous les soirs, du lundi au vendredi, au 1149 Avenue Cartier. La Fournie Bio utilise des méthodes traditionnelles. L'expérience de son équipe de boulangers et pâtissiers vous garantit un produit de qualité irréprochable. En devenant membre de CKRL, obtenez 10% de rabais à la Fournie Bio au 1296 3e Avenue. 522-4441. Vous voulez être membre de CKRL? Rien de plus simple. Téléphonez au 640-2575 poste 203 ou passez au 405 3e Avenue ou encore, payez votre adhésion sur le site sillon.com. Let's go! Tous les mercredis, Tania Beaumont vous met au parfum de l'actualité culturelle et vous présente l'émission Québec, c'est pas un village à l'antenne de CKRL. C'est un rendez-vous incontournable entre 17h30 et 19h30 afin de tout connaître sur la vie culturelle de Québec en direct du bar Le Sacrilège. Hey! I wanna go crazy. Vivre ce qui se passe à Québec, branché sur la relève. Un seul endroit, une seule fréquence. Au bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean, pour 89,1 CKRL, la radio culturelle. Une présentation de Boréal et de Pastissimo. I wanna go crazy. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, je vous rappelle encore une fois, c'est très important, les pièces que vous entendez à l'émission, bien, c'est possible de les télécharger. Donc, venez donc faire un petit tour sur le blog pour trouver tout ça. Vous avez juste à vous rendre au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, c'est ça, venez faire un tour, puis télécharger la musique, partagez-la, c'est là pour ça. On va poursuivre avec un groupe qui s'appelle Mill Haven. C'est sur le netlabel 12 Rec, un netlabel qui vient de l'Allemagne. Donc, je vous fais passer la pièce Drink a Pint of Blood a Day. C'est une pièce qui est quand même assez longue, donc on la débute tout de suite. He broke from them. And then he broke from himself. I'd never seen a man so broken up and ripped apart. I've seen horrors, horrors that you've seen. But you have no right to call me a murderer. You have a right to kill me. You have a right to do that. But you have no right to judge me. Thank you. C'était Mill Haven, donc la pièce Drink a Pint of Blood a Day. C'était sur le net label 12 Wreck Records, donc un net label qui est allemand. On poursuit tout de suite avec un groupe qui s'appelle A Beautiful Machine. C'est sur le net label Embryo Recordings. Donc Beautiful Machine, je vous fais passer leur pièce Empty Space, Points of Light. Donc Beautiful Machine qui viennent de Victoria en Australie. Donc on écoute ça tout de suite. Thank you. À l'antenne de CKRL, vous écoutez l'émission Web Musique. Vous venez tout juste d'entendre un groupe qui vient de la ville de Victoria en Australie. Le groupe s'appelle A Beautiful Machine. La pièce s'appelle Empty Space, Points of Light. Donc, c'était sur le net label Embryo Recordings. Puis avant, on entendait un groupe allemand qui s'appelle Millhaven. On entendait la pièce Drink a Pint of Blood a Day. C'était sur 12 Rec, un net label qui est allemand. On poursuit cette fois-ci avec un groupe de Chicago qui s'appelle Pelican. Je vous fais passer leur pièce City of Echoes. We'll be right back. venez tout juste d'entendre le groupe Pelican, la pièce City of Echoes. C'est un groupe qui vient de Chicago. Donc, ben, ça va déjà être tout pour Web Music. Je vous rappelle de vous rendre sur le blog de l'émission qui est au www.webmusic.org. Donc, vous allez pouvoir télécharger les pièces, télécharger et partager avec vos amis. Vous pouvez même acheter les albums si ça vous plaît, mais c'est ça, ça se retrouve tout sur le blog de l'émission. Ça va être Jean-Sébastien Grondin qui arrive tout de suite après pour son émission Poil de carotte. Donc, je vous invite à rester à l'écoute. Puis, moi, je vous donne un rendez-vous à compter de 21h la semaine prochaine pour une autre émission de Web Music. Bonsoir. Is that you, Santa Claus? Bonjour, c'est Pierre-Luc. Caroline. Jeannie. Guillaume. Simon. Et Martin. L'École de Rochebelle vous invite à son émission spéciale sur les ondes de CKRL 89.1. Le 25 décembre de 10h à 16h. Et nous vous souhaitons... Les joyeuses fêtes! Vous écoutez le 89,1, la radio culturelle à Québec.